Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Allons essayer à nouveau de faire marcher ce qui ne voulait pas marcher. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Je ne suis pas sûr que les pixels soient optimaux, mais le mieux est l'ennemi du bien, comme vous avez vu. Bien. Alors, comme j'ai expliqué la dernière fois et les fois précédentes, ce que nous voulons faire dans une première étape sur Terre, avant d'aller dans l'espace, ça ressemble à ça, des centaines de petits miroirs groupés sur une dimension permettant d'avoir une ouverture effective de l'ordre de, par exemple, 200 mètres, ici, dans ce cas de figure, pour faire l'équivalent d'un télescope géant de 200 mètres, qui n'aura pas la luminosité d'un télescope géant complet de 200 mètres, mais qui aura sa résolution et sa capacité, et presque sa capacité, à former des images à très haute résolution, par exemple un demi-millième de seconde d'arc, avec 200 mètres de base aux longueurs d'onde visibles. Bon, et l'étape suivante, ce serait de faire ce genre de choses dans l'espace, où ce sera beaucoup plus facile par certains côtés, plus difficile par d'autres côtés. Et j'en parlerai dans les cours suivants. Et voilà, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, là, voilà le genre d'image qu'on obtiendrait d'une exotère à 10 années-lumière si on a une ouverture de 100 km. Alors évidemment, ce genre d'image permet assez efficacement de rechercher s'il y a des signatures de vie, comme la couleur verte ici de l'Amazonie, mais enfin, il peut y avoir d'autres signatures aussi. Alors maintenant, une petite série d'objets pour lesquels ce genre d'observation serait utile. Bon, ça, ce n'est pas un objet céleste, mais presque, c'est la Station spatiale internationale, dans laquelle nous aimerions tester un système de piégeage de petits miroirs par laser pour une version spatiale d'hypertélescope dont je parlerai plus tard. Alors, ça, c'est le Soleil, un jour d'éclipse. Bon, alors, pour commencer par les objets proches, rien n'interdirait d'observer le Soleil avec un hypertélescope et éventuellement un jour d'éclipse pour observer la structure fine des taches. Par exemple, si on a une tache qui arrive ici au bord de la zone écliptique, ou bien les granulations, on pourrait essayer de voir si elle comporte une structure fine en observant ce genre de choses. Bon, passons à des objets plus éloignés. Vous avez des étoiles grosses et froides qui s'appellent des étoiles de type Mira, qui ont la propriété curieuse de se gonfler, se dégonfler tous les ans, en gros, avec une certaine régularité. Leur diamètre change donc, elles semblent aussi être entourées d'une atmosphère de molécules que nous avions déjà vues au Mont Palomar en Speckle dans les années 75, mais qui commence maintenant à être étudiée de façon beaucoup plus précise. Alors, ces résultats récents de l'interféromètre IOTA. L'interféromètre IOTA a été arrêté il y a un an ou deux, mais il a des données qui n'avaient pas encore été réduites et qui continuent maintenant à être exploitées pour alimenter des articles. Et voilà un résultat récent qui montre où on a une image reconstruite avec les trois télescopes de l'interféromètre IOTA, espacée de une quarantaine de mètres, 38 mètres, je crois, qui permet de reconstruire dans l'infrarouge proche ces images montrant la variation de diamètre de l'étoile à différents moments de son cycle. Nous espérions voir ce genre de choses avec les méthodes d'interférométrie de Tavelure utilisant un seul grand télescope, mais la résolution était insuffisante. Et maintenant, avec ces interféromètres, on commence à le voir. Une autre étoile supergéante, Bételgeuse, tellement énorme que si elle était à la place du Soleil, nous serions dedans, et son atmosphère s'étendrait jusqu'à Jupiter, pratiquement, et qui a été observée récemment. Il y a deux articles récents dessus. L'un, à nouveau, sur l'interféromètre IOTA, avec d'anciennes données, et une reconstruction d'images par synthèse d'ouverture, c'est-à-dire en utilisant différentes bases compte tenu de la rotation de la Terre, qui montre des granules, sans doute des granules de convection sur l'étoile, conformes aux prédictions. La semaine dernière, j'avais montré une image théorique montrant les cellules de convection sur une étoile supergéante. Eh bien, il semble qu'on commence à voir ces choses-là. On ne les voit pas très bien, parce que même là, même avec les 38 mètres de base, ce qui fait 9 millisecondes d'arc sur le ciel, la résolution n'est pas vraiment suffisante pour bien voir ces granules. On commence seulement à les voir. Ça, c'est la fonction d'étalement, c'est-à-dire l'image d'une étoile ponctuelle. Et on voit que cette image est imparfaite, il y a des lampes secondaires gênantes, et bien sûr, son diamètre est à peine inférieur au diamètre de ces granules qu'on essaye de voir. Donc on manque un petit peu de résolution pour voir des choses fines. Bon, alors ça, ce sont des images de Bételgeuse aussi, mais prises avec un élément de 8 mètres, un miroir de 8 mètres, un télescope de 8 mètres des 4 télescopes européens qui sont au Chili, qui eux aussi fonctionnent en interférométrie et donnent de très bons résultats malgré quelques problèmes de vibrations. Vous savez que les vibrations dans les interféromètres sont extrêmement critiques, de l'ordre d'un dixième de micron, la tolérance pour le visible. Il ne faut donc pas que la mécanique qui est là-dedans vibre, et malheureusement elle vibre. Bon, enfin, toujours est-il que là, un seul élément a été utilisé et permet de voir un petit début de structure sur Bételgeuse, ce qu'on peut voir en comparant avec l'autre étoile ici, qui est Aldébaran. Là, c'est Bételgeuse, là, c'est Aldébaran, là, c'est Bételgeuse, là, c'est Aldébaran, à différentes longueurs d'onde dans l'infrarouge proche. Alors, en regardant de près ces choses-là, on arrive à voir... alors, ça doit indiquer le diamètre à peu près de Bételgeuse, et ça, celui d'Aldébaran, on voit que Bételgeuse est en fait un peu plus petite que la tâche image due au limitée par la diffraction dans le diamètre du télescope. Bon, donc on voit que le télescope de 8 mètres est trop petit pour vraiment bien voir ce qui se passe sur Bételgeuse et ne permet pas de voir ces détails. Donc il faut augmenter encore les dimensions. Bon, regardons un petit peu plus loin. Voici une étoile photographiée récemment par le télescope Hubble, qui s'était distinguée en 2002 en émettant un sursaut de lumière extrêmement intense, faisant penser à une supernova, mais qui apparemment diffère beaucoup de ce qu'on voit dans le cas des supernovae et des novae, et qui semble être un phénomène totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu. Et puis voilà que 6 ans plus tard, 8 ans plus tard, on s'aperçoit que ce sursaut de lumière, ce flash en quelque sorte, est parvenu jusqu'à un nuage qui se trouvait à l'extérieur et a éclairé ce nuage. Il a fallu 8 ans pour que la lumière venant de cette étoile atteigne ce nuage qui nous renvoie une partie de la lumière. Ce flash, en quelque sorte, a éclairé ce nuage. Et logiquement, on doit voir une couronne lumineuse dont le diamètre augmente au cours du temps parce que la lumière continue à se propager vers l'extérieur du nuage. Alors, c'est un phénomène qui était déjà connu, mais ce qui est très particulier dans ce cas-là, bon, c'est que le phénomène est très spectaculaire et qu'apparemment, ce n'est pas une supernova, c'est un nouveau type de phénomène transitoire qui reste à expliquer. Alors, vous savez que beaucoup d'étoiles ont des disques et on commence, dans certains cas, à les observer par exemple sur Gamma Cassiopée et sur d'autres étoiles. Là, vous avez une étoile et ce disque de poussière et d'hydrogène qui se trouve autour. Bon, si on regarde un petit peu plus loin, vous avez la célèbre nébuleuse du crabe qui vient d'être refotographiée par Hubble avec plus de détails. Et vous savez que c'est le reste d'une explosion extraordinaire qui a eu lieu en 1054 et qui a été observée par les astronomes chinois, mais pas par les astronomes européens, parce qu'à l'époque, ils devaient... On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils dormaient la nuit. Mais à vrai dire, les astronomes chinois ont observé qu'apparaissait brusquement dans le ciel une étoile extrêmement brillante, tellement brillante qu'ils la voyaient en plein jour. Donc même si les astronomes européens dormaient, ils auraient dû la voir quand même en plein jour. Ils l'ont peut-être vu, mais ils n'ont pas laissé, on n'a pas retrouvé de documents de description. Bon, alors, et vous savez aussi que dans les années 70, on a découvert au centre une petite étoile faible, magnitude 18, qui clignote 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge. C'est ce qu'on appelle un pulsar. On pense que c'est une espèce de toupie, genre gyrophare d'ambulance, qui éclaire en tournant. Et on pense aussi que c'est une étoile à neutrons extrêmement dense, diamètre 20 km, formée de matière où les électrons sont rentrés dans les noyaux des atomes et forment des neutrons, matière qui n'existe pas sur Terre. Donc cet objet reste... Alors l'explosion en question était certainement une supernova, et elle a éjecté cette quantité de matière qui continue à être en expansion. Récemment, ce pulsar du crabe a été observé en rayons X et donne cette séquence d'images à différents moments de son cycle, de sa période de 33 millisecondes, où on a l'impression de voir quelques petites différences d'une image à l'autre qui illustrent le phénomène. Alors, toutes ces choses que je vous montre, ça illustre des domaines où on comprendrait beaucoup mieux les phénomènes en obtenant des images à plus haute résolution, donc avec des dimensions de télescopes plus grandes. Bon, alors, dans la nébuleuse d'Orion, qui est un gigantesque nuage d'hydrogène et de poussière qu'on peut voir presque à l'œil nu, et en tout cas assez bien déjà avec des simples jumelles, eh bien... on a découvert depuis plus d'une dizaine d'années d'étranges globules qui semblent être des systèmes planétaires en formation. Bon, vous avez un nuage de gaz et d'hydrogène. L'hydrogène est excité par la lumière des étoiles bleues qui sont dans ce nuage, qui émettent beaucoup d'ultraviolet. Et... là, vous avez de la poussière, elle tend à se condenser par gravité pour former des agglomérations qui peuvent être de nouvelles étoiles avec des planètes. Bon, alors il y a plusieurs objets assez mystérieux là qui semblent être des systèmes planétaires en formation. Alors là aussi, bien sûr, on aimerait voir ça de façon plus détaillée. Bon, alors les supernovae, bien sûr, sont aussi intéressantes. Ça, c'est celle de 1987 qui avait été observée par Hubble et qui montrait ces bizarres, ces curieux anneaux ici et qui, les années suivantes, a continué à être observée. Et on a vu l'expansion, une espèce de bulle de matière éjectée par la gigantesque explosion. Alors là aussi, bien sûr, on aimerait voir de plus près ce qui se passe et voir éventuellement s'il se forme un pulsar au centre. Pulsar étant le résidu du noyau de l'explosion. Allons encore plus loin, vers le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Bon, la voici vue à la fois en rayons X, c'est la partie bleue, en infrarouge moyen, c'est la partie verte, et en radio, c'est la partie rouge. Et au centre se trouve quelque chose de très mystérieux qui est peut-être un trou noir géant, c'est-à-dire une condensation de masse extrêmement importante, 3,6 millions de fois la masse du Soleil, très concentrée, tellement concentrée que la lumière n'arrive plus à s'en échapper et qu'elle est donc invisible. Elle est invisible, mais on a découvert depuis quelques années qu'il se passe des choses visibles dans cette zone. Si on regarde en lumière visible, on voit rien parce qu'il y a trop de poussière sur le chemin des rayons. Mais si on regarde en infrarouge, on passe à travers cette poussière, on voit à travers cette poussière et on voit des petites étoiles qui sont tout proches du centre. Et on s'aperçoit que certaines étoiles ont un mouvement endiablé, décrivent une orbite, une vitesse extrêmement rapide, autour de rien du tout. Autour de rien du tout. Et pour qu'une étoile tourne autour de rien du tout, eh bien, il faut que le rien du tout soit de la masse. Et si on ne voit rien, c'est qu'elle est invisible, et c'est que c'est probablement un trou noir. Donc ça, c'est une très belle indication qu'on a actuellement, qu'il y a effectivement ici une concentration de masse extrêmement importante, mais invisible. Bon, et puis allons au-delà de notre galaxie. La galaxie voisine, c'est celle qu'on appelle le nuage de Magellan, qui contient beaucoup de choses intéressantes, et en particulier... Alors ça, je ne sais pas si c'est lié au nuage de Magellan, il y a peut-être une erreur. Bon, et puis allons au-delà. Vous avez d'autres galaxies qui avaient déjà été observées au XVIIIe siècle par Messier, mises dans son catalogue. Et bien sûr, à l'époque, il ne voyait pas tous ces détails. Il voyait juste un endroit où il y avait une espèce de tache nébuleuse, comme il disait, dans le ciel. Et maintenant, les observations récentes, bien sûr, donnent beaucoup plus de détails, et les observations futures donneront beaucoup plus. Cette observation récente montre cette nébuleuse spirale, et on s'aperçoit maintenant que les bras spiraux vont beaucoup plus loin à l'extérieur que ce qu'on croyait avant. La galaxie M51 réobservée par Hubble, montrant encore mieux les détails des nuages d'hydrogène que sont les parties rouges. Les parties rouges sont les nuages d'hydrogène qui sont souvent aussi des zones de poussière et des zones contenant des étoiles jeunes brillantes qui excitent le nuage d'hydrogène et où il peut aussi se former des planètes. Ces étoiles brillantes sont souvent des étoiles jeunes en formation, ou une formation récente, qui peuvent être... environnés de systèmes planétaires naissants. En allant encore plus loin, on voit des galaxies qui ont des formes bizarres et dont on sait maintenant qu'elles sont en collision ou en interaction. Bon, là, c'est une collision de galaxies. Là, ça semble être deux galaxies qui orbitent l'une autour de l'autre et qui fréquemment se rapprochent et ensuite s'éloignent. Enfin, fréquemment, il y a pas mal de centaines de millions d'années. Et il semble qu'à chaque fois qu'elles se rapprochent, ça les tord, ça les distord, un peu comme ceci. Bon, là aussi, bien sûr, on aimerait mieux voir. Bon, et si on va encore plus loin, on tombe sur des objets étranges qu'on appelle les quasars, qui semblent être des noyaux de galaxies ayant un noyau extrêmement lumineux, extrêmement intense, dont la nature est mal connue et mal comprise. Et certains de ces quasars, comme celui-ci, ont un mystérieux jet qui s'en éloigne. Et dans certains cas, il y a des globules dans ces jets qui s'éloignent. Si on observe l'année suivante, on voit qu'ils se sont déplacés. Et si on essaie de calculer leur vitesse de déplacement en se ramenant dans le plan, du ciel à l'endroit, enfin, à la distance considérée, on aboutit à la conclusion que la vitesse est plusieurs fois celle de la lumière, ce qui est très inquiétant parce qu'Einstein avait dit que ce n'est pas possible. Certains pensent que c'est possible quand même, mais enfin, dans ce cas-là, en fait, ça semble être dû à un effet de perspective. C'est parce que le jet, en réalité, est presque dirigé vers l'observateur et qu'un mouvement moins rapide que la lumière donne l'illusion d'être plus rapide que la lumière si on calcule en croyant que le jet est dans le plan du ciel au lieu d'être dirigé vers l'observateur. Alors, bien sûr, ces quasars sont très observés à différentes longueurs d'onde, en radio, en optique et en rayons X. Et là aussi, on aimerait mieux voir ces jets pour les comprendre. Bon, les mirages gravitationnels. Les mirages gravitationnels, c'est lorsque vous avez une étoile très lointaine dont les rayons allant vers l'observateur est par là, passe au ras d'une masse, ou d'une étoile, ou d'une masse quelconque, plus proche. Bon, alors, à ce moment-là, les rayons lumineux sont légèrement déviés. Une façon d'expliquer ça, c'est de dire que les photons de ce rayon lumineux sont attirés par la gravité de l'étoile. Et le résultat... Alors, vous savez que ce genre d'effet, la déviation de rayons lumineux, non pas par la gravité de la Terre, mais par la chaleur de l'air chaud qu'il y a dans un désert... Dans un désert, vous avez une couche d'air chaud au ras du sol et vous avez un gradient de température. Et ce gradient de température dévie les rayons lumineux qui viennent de loin. Et c'est pour ça que vous voyez le paysage trembler et que vous voyez éventuellement des mirages. Et vous avez l'impression qu'il y a une surface d'eau, parce que les rayons d'eau, c'est comme s'ils étaient réfléchis, ils descendent et ils remontent vers vous. Et vous croyez qu'il y a un lac. Et voilà ce qui vous arrive, bien sûr, si vous croyez qu'il y a un lac. Alors, ce genre d'effet explique ce genre de photos de galaxies où on a l'impression qu'elle a quatre noyaux brillants. Alors, ce qu'on pense actuellement, c'est que ce ne sont pas quatre noyaux brillants, c'est qu'en réalité, on ne voit pas de noyaux, mais qu'il y a derrière, très loin, une source très lointaine, simple, un seul point brillant, qui... En passant à travers la galaxie, ces rayons sont déviés et forment un mirage gravitationnel qui se traduit par la formation de quatre points brillants ici. Alors, si on reprend des photos à intervalles réguliers, on s'aperçoit que ces points brillants deviennent un peu plus certains. Il y a une fluctuation relative de leur intensité qui semble être due au mouvement des grosses étoiles massives dans la galaxie qui sert de lentille. Alors, bien sûr, là aussi, on aimerait mieux voir ça en détail. Bon, vous avez d'autres cas spectaculaires de lentilles gravitationnelles. Lorsque vous avez une vitre, les vieilles vitres du Collège de France, qui datent de je ne sais combien de siècles, ont des grumeaux. Lorsque vous sortirez tout à l'heure, s'il fait suffisamment nuit, en regardant les lampadaires de la ville à travers ces grumeaux, vous verrez ce genre d'effet. C'est-à-dire que ces grumeaux se comportent sur les rayons de lumière comme une lentille gravitationnelle. Ils dévient la lumière. Et si vous êtes juste dans l'axe, vous voyez un anneau lumineux autour du grumeau si vous avez une source d'arrière-plan. Bon, ben, c'est presque la même chose qui se passe dans le cas d'une galaxie servant de lentille gravitationnelle. Mais si vous n'êtes pas tout à fait dans l'alignement, l'anneau se brise. Il se brise en quatre, et ce qui explique les quatre sources lumineuses qu'on voyait tout à l'heure. Voilà quelques autres cas classiques de ces lentilles gravitationnelles. Alors, il donne énormément d'informations, d'une part sur la galaxie, sur la distribution de masse dans la galaxie qui sert de lentille, et dans les sources d'arrière-plan. Et là aussi, on aimerait voir ça de plus près. Voilà encore quelques cas. Et j'avais proposé il y a quelques années d'essayer d'observer l'effet de lentille que pourrait produire une masse très petite, comme une planète. Imaginez une planète perdue. Vous savez, les planètes, on pense que quelquefois elles se perdent. Elles quittent leur système planétaire à cause des effets de gravité entre planètes. Elles sont éjectées comme par un coup de raquette et elles se retrouvent perdues dans l'espace glacé. Il faut espérer qu'il n'y a pas de vie dessus, sinon elles auraient des problèmes. Et s'il existe de telles planètes perdues et que vous avez une étoile lointaine et que vous avez dans l'alignement un télescope sur Terre, eh bien, vous aurez cette déviation des rayons près de la masse de la planète et formation de cet anneau apparent. Et le résultat est que vous pourriez, en principe, avoir une projection sur le sol, là où il y a le télescope, vous pourriez avoir une projection d'espèces de taches de diffraction qui sont la figure de diffraction de l'anneau en question, transformé de Fourier de l'anneau. Mais ça ne durerait que très peu de temps. L'alignement ne durerait que très peu de temps parce que la planète, selon toute probabilité, se déplace. De toute façon, la Terre se déplace aussi. Donc cet alignement, ce serait extrêmement fugitif. Il durerait un millième de seconde. Vous verriez pendant un millième de seconde un flash de lumière extrêmement intense. L'étoile d'arrière-plan deviendrait beaucoup plus intense, un million de fois plus intense qu'en temps normal. Mais ça durerait très peu de temps. Alors c'est un peu le même problème que d'observer le rayon vert, vous savez, au bord de la mer. Il y a des gens qui arrivent à observer le rayon vert, ça dure très peu de temps, mais c'est très beau, paraît-il. Je n'ai jamais réussi à le voir. Et là, c'est un peu le même genre de problème. Alors, ça n'a jamais été observé, ça pourrait l'être, ça pourrait devenir observable si on avait des caméras rapides. Les caméras CCD actuelles sont merveilleuses, mais elles ne sont pas rapides. Elles ne sont pas rapides, elles font pas le comptage de photons, on ne voit pas les photons un par un. Là, il faudrait une caméra extrêmement sensible, extrêmement rapide et un grand champ pour avoir observé plusieurs étoiles à la fois et avoir plus de chances d'observer ce genre de choses. Et il faudrait aussi un très grand télescope, peut-être un ELT de 42 mètres comme veut faire l'Europe, ou bien un hypertélescope. Bon, puis vous avez les grandes énigmes à la mode, là, concernant la présence de matière sombre dans les galaxies, qui expliquerait qu'elles semblent plus massives que ce que la masse qui apparaît sous forme lumineuse. Et puis, une énigme plus récente est celle de l'énergie sombre, et qui expliquerait par une répulsion et l'expansion accélérée que semble subir l'univers. Bien. Alors revenons à nos moutons et à nos hypertélescopes. J'avais commencé à montrer quelques simulations numériques d'imagerie qui montrent les propriétés et les performances qu'on peut attendre selon le nombre d'ouvertures et leur disposition et le nombre d'étoiles. Alors ce genre de simulation, alors je vous ai dit que d'abord on peut faire très facilement des simulations en perçant des petits trous d'épingle dans du papier d'aluminium et en mettant ça devant un téléobjectif et en photographiant des sources brillantes. Et c'est très intéressant, mais on peut aussi le faire numériquement. Voilà par exemple 10 trous d'épingle simulant 10... Enfin là, c'est des trous d'épingle numériques simulant 10 ouvertures disposées de façon irrégulière, non périodique. Là, vous avez 100 étoiles, 105 étoiles non résolues en trois couleurs. Et là, vous avez l'image obtenue en faisant tourner l'ouverture pendant la pause. Bon. Alors, ça, c'est l'image directe. Et on voit qu'elle est à peine utilisable. On devine difficilement, en regardant avec les yeux de la foi, on devine les étoiles, mais avec un très faible contraste. Et ça, c'est dû au fait que les halos des taches de diffraction se superposent et font un voile presque continu dans le fond. On peut soustraire un niveau continu pour améliorer le contraste. Là, on a soustrait un fond continu, et vous voyez effectivement qu'à ce moment-là, on reconnaît nos étoiles. Ici, là, vous avez un groupe de trois vertes. Là, vous avez deux rouges. On les reconnaît. Donc, on a vraiment une image utilisable. Bon, alors là, c'est un cas relativement modeste, puisqu'on n'a que 10 ouvertures, c'est un hypertélescope bas de gamme. Il faudrait travailler avec 100, voire 1000. Bon, là, vous en avez 50. Et du coup, on peut mettre plus d'étoiles. Si vous avez plus d'ouvertures, vous pouvez avoir plus d'étoiles. Si vous avez trop d'étoiles, vous avez ce problème de fond qui engloutit complètement l'image. Si vous avez plus d'étoiles, vous avez un meilleur contraste, un meilleur rapport signal sur bruit. Et là encore, dans l'image directe, on ne voit pratiquement rien. Quoique en regardant de très près, on verrait peut-être un tout petit quelque chose. Mais si on soustrait un fond uniforme continu, à ce moment-là, on reconnaît bien nos 700 étoiles. Bon, là vous avez, une ouverture qui est presque périodique. Elle pourrait être exactement périodique, mais c'est pas recommandé. Ça marche moins bien. Une grille périodique marche moins bien. Mais si elle est légèrement tordue, si elle est presque périodique, mais légèrement tordue, ça marche pas mal. Alors pourquoi la mettre presque périodique ? Parce que sur le terrain, pour construire un vrai instrument, ça peut être intéressant. Bon, et là, vous avez 300 étoiles, et l'ouverture, là encore, a tourné pendant la pause. Voilà l'image d'une seule étoile trichrome, c'est ce qu'on appelle la fonction d'étalement. Vous avez le pic central d'interférence qui est blanc, et vous avez toutes sortes de pics secondaires qui sont colorés. Mais rappelons-nous que là, nous avons des étoiles qui n'ont que trois couleurs. Chaque étoile, en quelque sorte, est monochromatique. Si les étoiles étaient... Excusez-moi. Je me suis mal exprimé. C'est une étoile unique. C'est une étoile unique, mais qui est trichromatique. Elle est formée de trois couleurs. Son spectre, en fait, a seulement trois rayons. Ce n'est pas une étoile blanche au sens habituel, parce qu'une étoile blanche au sens habituel, ça a toutes les longueurs d'onde. Et si vous aviez toutes les longueurs d'onde, vous auriez ce fond serait complètement délavé. Ce fond, les couleurs se mélangeraient. Et vous auriez un fond pratiquement blanc ou très peu avec des couleurs très peu contrastées. Mais du fait qu'il y a seulement trois longueurs d'onde, vous obtenez encore du contraste de couleurs loin du centre. Bon, alors voilà l'image directe sans rotation. Vous voyez qu'elle est inutilisable. On n'arrive pas à reconnaître nos 300 étoiles. Alors, les experts en déconvolution nous diront « Ah, mais si on connaît cette fonction d'étalement, on peut déconvoluer cette image et espérer récupérer la vraie image. » Bon, mais sans faire de déconvolution... Alors oui, en principe, ça peut marcher à déconvolution, mais il faut très bien connaître la fonction d'étalement de façon très peu bruitée. Avoir une très bonne connaissance. Bon, mais sans faire de déconvolution, avec l'image directe, si on fait tourner pendant la pause, vous avez une image directe qui est directement utilisable là. Vous reconnaissez vos étoiles. Là, il y a un paquet de 5 là, qu'on retrouve ici. Bon, et puis, a fortiori, si vous soustrayez un fond uniforme, ça fait presque aussi bien qu'une déconvolution et vous avez une image très convenable. Bon, passons à un interféromètre très bas de gamme qui n'a que 2 ouvertures. Bon, actuellement, c'est ce qu'on trouve. On trouve 2 et 3 ouvertures dans les observatoires, guère plus. Bon, si vous n'avez que 2 ouvertures, l'image d'une étoile ponctuelle ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle les franges d'interférence d'Young à 2 ouvertures. Alors là encore, la frange centrale doit être celle-là, qui est blanche, mais là encore, du fait que j'ai supposé 3 longueurs d'onde et non pas un spectre blanc continu, j'ai des franges qui vont beaucoup plus loin qu'on ne verrait sur une étoile vraiment blanche. Sur une étoile vraiment blanche, on verrait une frange centrale blanche, quelques franges coloré de chaque côté, et ensuite, ça deviendrait pratiquement blanc avec un très faible contraste. Bon, Ici, vous avez l'image sans rotation, qui ne donne pas beaucoup d'informations, enfin, et en plus, elle est saturée, là. Il ne faut pas la regarder, cette image-là. Et ici, vous avez l'image avec rotation, c'est-à-dire que vous avez fait tourner les deux ouvertures pendant la pause, et miracle, vous voyez, en quelque sorte, la somme des images comme ceci obtenues aux différentes inclinaisons, différents angles de rotation, et ça fait l'effet qu'on appelle synthèse d'ouverture, qui commence à faire apparaître un petit peu les étoiles. Là, vous voyez, vous avez une étoile, où est-ce que ce sont les étoiles ? Elles sont là, on ne les voit pas très bien. Enfin, bref, vous en avez une là, qui apparaît là. Elles sont très peu nombreuses. Ça marche parce qu'elles sont très peu nombreuses. Si elles étaient plus nombreuses, on ne verrait rien du tout. Bon, mais pour un petit nombre d'étoiles, 10 étoiles, là, on commence à voir apparaître et à reconnaître les étoiles. Bon. Ici, même chose avec 3 ouvertures. Alors, actuellement, c'est ce qu'on fait de mieux. Et l'image d'une étoile ponctuelle, la voilà. Elle ressemble à du nid d'abeille. Là encore, il y a un pic central blanc qui est ici. Et ensuite, les couleurs perdent du contraste. Sauf en lumière blanche, elles perdraient du contraste. Là, elles gardent du contraste parce qu'on n'a que 3 longueurs d'onde. Bon, et puis ici, vous avez l'image sans rotation, qui est à peu près inutilisable. Et ici, vous avez l'image avec rotation qui commence à donner quelque chose. On reconnaît nos étoiles parce qu'il y en a très peu. Si on en avait beaucoup, ça ne marcherait pas. Bon, et là, on a soustrait un fond continu pour améliorer le contraste. Et là, ça améliore nettement. Et on voit qu'avec 3 ouvertures, l'image est nettement meilleure qu'avec 2 seulement. Donc, évidemment, on gagne à augmenter le nombre d'ouvertures. Ça, c'est la même. Encore une simulation. Le problème des champs encombrés. Qu'est-ce qui se passe si vous avez trop d'étoiles dans votre champ ? Alors, le champ d'abord, de quelle dimension de champ s'agit-il ? Bon, le champ dont il s'agit est déterminé par la dimension des petites ouvertures. Chaque petite ouverture fait une figure de diffraction dont la dimension sur le ciel est lambda sur petit d, la dimension de la petite ouverture. Et c'est ça qui produit l'enveloppe dans l'image, qui produit une grosse enveloppe à l'intérieur de laquelle se forment les détails d'interférence. Bien. Alors, si vous avez trop d'ouvertures dans ce lobe des sous-ouvertures, si vous avez trop d'étoiles dans ce lobe des sous-ouvertures, vous avez donc ce problème de perte de contraste dans l'image. Alors, la théorie dit que on peut pas avoir, il faut pas qu'il y ait plus de n au carré étoiles dans ce lobe s'il y a n ouvertures. Et ça, c'est dans le cas sans rotation. Bon, par exemple, si vous avez 33 ouvertures comme ici, s'il y a plus de 1000 étoiles dans le champ de diffraction, vous n'aurez plus de contraste. Alors, effectivement, la simulation montre que on obtient ça, on peut soustraire un fond uniforme, ça donne ça, mais on a très peu de contraste, et on n'arrive pas à avoir une image utilisable de ça. Bon, si par contre on fait la rotation d'image, la rotation d'ouverture, on obtient une légère amélioration du contraste qui permet déjà de voir reconnaître les étoiles ici et de les reconnaître encore mieux ici. Bon, et ça, c'est encore l'image d'une ouverture unique, d'une étoile unique. Alors, il y a encore la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit nombre de grandes ouvertures ou un grand nombre de petites ouvertures à prix égal ? Bon, à prix égal, en gros, ça veut dire à surface collectrice égale. C'est-à-dire la surface collectrice totale, en gros, c'est le mètre carré de miroir qui coûte tant. Et c'est un problème de surface collectrice totale. Bon, alors ici, j'ai 600 petites ouvertures, là. Et puis, j'ai rajouté dessus 6 grosses. 6 grosses qui, dont le diamètre est calculé pour qu'au total, les deux configurations donnent la même surface collectrice. Bon, en réalité, on utilise l'un ou l'autre, on n'utilise pas les deux en même temps. C'est juste pour comparer. Bon, et voilà un amas d'étoiles. Et voilà l'image sans rotation, avec rotation. Et dans le cas des 600 petites ouvertures, vous reconnaissez votre amas d'étoiles, vous reconnaissez les détails. Dans le cas des 6 grandes ouvertures, vous ne reconnaissez rien du tout. L'image est beaucoup moins bonne. Bon. Donc, ça prouve que dans l'avenir, plutôt que de faire un petit nombre de grands télescopes pour faire des hypertélescopes, il vaut mieux avoir un grand nombre de petits miroirs. Donc, ce qu'on a fait en Europe en construisant le VLT, le VLTI, le grand interféromètre à 4 miroirs de 8 mètres au Chili. Bon, il y avait d'autres raisons de le faire, c'est que les astronomes voulaient de toute façon 4 télescopes de 8 mètres pour faire d'observations classiques à basse résolution, mais ça permet d'avoir très bons résultats, mais il y a mieux à faire dans l'avenir en faisant un système différent comportant un grand nombre de petites ouvertures. Alors maintenant, j'en arrive au pas suivant qui est l'hypertélescope. Toutes les simulations que j'ai montrées jusqu'à présent, c'est pas tout à fait l'hypertélescope, c'est la chose plus classique qu'on peut appeler l'interférométrie FISO. Bon, FISO en 1865, quelque chose comme ça, avait proposé de mettre un écran en carton à l'entrée d'un grand télescope pour faire des interférences. Et il y voyait quelques avantages. On peut généraliser ça en considérant une ouverture formée d'un grand nombre de trous, et c'est ce que j'ai fait dans les simulations. Et on a vu quelles étaient les propriétés d'imagerie. Mais il y a un problème, c'est que si on essaye de faire des très très grandes bases, très grandes dimensions, avec des petites ouvertures qui vont être très espacées. Le problème est que la lumière s'éparpille dans une image avec une enveloppe très large due à la diffraction des petits trous, des petites ouvertures, et qu'il reste très peu de lumière dans la partie intéressante qui est le pic d'interférence centrale. Alors, l'idée de l'hypertélescope est de récupérer toute cette lumière perdue et d'essayer de la concentrer, de la ramener dans le pic d'interférence centrale pour augmenter l'efficacité. Alors, pour faire ça, il suffit de modifier un petit peu l'optique, en rajoutant un petit accessoire dans l'optique qui fait que, vu de la caméra, l'ouverture paraît densifiée par rapport à ce qu'elle est vue de l'étoile. Autrement dit, vu de l'étoile, vous avez tous vos miroirs qui ressemblent à ça. Vu de la caméra, vous avez tous vos miroirs qui ressemblent à ça. Bon, et ce gadget a pour effet de rétrécir le lobe de diffraction des ouvertures et de concentrer toute la lumière dans la partie centrale où se trouve le pic d'interférence et donc d'intensifier l'image. Alors, en pratique, ça peut se faire comme ceci. Vous avez un miroir géant ou une lentille géante segmentée, formée de petits morceaux, c'est l'ouverture diluée, qui forme une image comme si c'était un télescope géant, là où les rayons se croisent, c'est ce qu'on appelle le foyer Fizeau. Si là, tout à l'heure j'ai montré des simulations, là je montre une simulation où, dans le cas où la grille d'ouverture là, est périodique. À ce moment-là, l'image elle-même est périodique, elle ressemble à ça, avec un pic central et des spots étalés selon les couleurs. Bon, donc le secret consiste à rajouter un petit système optique qui reprend l'image, qui fait passer chaque faisceau à travers un petit, une petite lunette de Galilée fonctionnant à l'envers, laquelle élargit les faisceaux, et ensuite on refocalise sur la caméra, et la caméra a l'impression que les faisceaux sont plus larges angulairement, mais que l'ouverture est mieux remplie qu'à l'entrée ici. Bon. Alors, le résultat est que sur la caméra, au lieu d'avoir cette image où beaucoup de lumière est perdue dans un halo qui peut être très très grand si l'ouverture est très diluée, eh bien, le halo est considérablement rétréci, presque toute la lumière peut être concentrée dans le pic central. Alors, la question était, est-ce que ça marche encore si l'étoile est double, par exemple, ou triple, ou plus compliqué? Autrement dit, s'il y a des étoiles un petit peu en dehors de l'axe. Si l'étoile est sur l'axe, on a vu que ça marche, mais si l'étoile est en dehors de l'axe, est-ce que ça marche encore? Alors la réponse est oui, ça marche encore, à condition que l'étoile ne soit pas trop loin de l'axe. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici le foyer Fizeau, et là j'ai agrandi la partie densifieur qui est derrière. Considérez une étoile légèrement hors de l'axe, vous amenez votre étoile légèrement hors de l'axe, vous la déplacez un petit peu dans le ciel, donc son image ici va se déplacer légèrement, et ses faisceaux vont se déplacer un petit peu, et vont donner ici, les petits éléments d'onde ici, vont devenir légèrement inclinés. Bon, de sorte qu'avec tous les faisceaux, vous allez avoir une série de facettes comme des marches d'escalier. Vous avez une série de marches d'escalier ici, que vous retrouvez ici. Et le résultat est que le grand lobe de diffraction se déplace. Si vous déplacez l'étoile hors de l'axe, le grand lobe de diffraction se déplace moins vite que l'image formée par l'interférence, que le pic d'interférence de tous les faisceaux. Autrement dit, vous avez le grand lobe de diffraction qui est par exemple ici, et vous avez l'image qui vient ici. Là, par exemple, vous voyez que ce pic secondaire ici est atténué par rapport à cela parce qu'il est sorti du lobe de diffraction. Les conséquences de cette densification de pupille, comme on l'appelle, sont que cela rend utilisable des ouvertures très fortement diluées. Bon, par exemple, sur le papier, on peut imaginer un hypertélescope servant à résoudre les étoiles à neutrons, comme le pulsar du crabe, qui utiliserait des miroirs de 8 mètres espacés de 100 000 km. Et le système, là, permet de récupérer toute la lumière et de former une image efficace à partir de toute la lumière. Bon, après nos articles, il y a eu une étude détaillée qui a été publiée par Lardière, Martinache, Patru, Morard et quelques autres, qui a précisé un peu ces choses-là. Bien, alors le résultat de tout cela est qu'on peut espérer d'améliorer énormément la science, notamment si on met des miroirs petits et nombreux. Bon, alors, je vais peut-être garder ça pour la semaine prochaine. Je dis juste en un mot que on peut s'amuser à calculer grossièrement la quantité de science que produit l'instrument, en fonction du nombre de miroirs, leur diamètre, et on voit par exemple qu'on obtient 1000 fois plus de science avec des miroirs de 10 cm que 1 mètre. Bon, alors je préciserai ça la semaine prochaine. Et je vous propose de passer aux questions. Oui. Pourquoi la déconvolution n'est pas testée en numérique pour voir sa performance ? Pourquoi je n'ai pas testé la déconvolution ? Parce que la déconvolution, c'est une cuisine complexe qui est fortement influencée par le bruit. Le bruit, en particulier le bruit de photons. Bon, et puis il y a beaucoup de façons de faire des convolutions. Il y a différents algorithmes qui sont utilisés. Des gens pourront à l'occasion reprendre ça en essayant de comparer les résultats avec des convolutions. Quand il y a beaucoup d'étoiles et beaucoup d'ouvertures, le simple fait de soustraire un fond continu pour améliorer le contraste est une forme très simple. C'est pas une déconvolution, mais c'est une forme très simple d'amélioration de l'image, très facile à appliquer et on voit très bien ce qui se passe. Et donc, ce serait intéressant effectivement de comparer avec les résultats que peut donner la convolution. Et il est clair que les résultats de la convolution dépendront de la magnitude de l'étoile. S'il y a beaucoup de photons, ça marchera relativement bien. S'il y en a très peu, ça marche très mal. Oui ? Le prix de l'Extremely Large Telescope européen de 42 mètres de diamètre, je crois, est de 700 millions d'euros. Pouvez-vous nous dire, par comparaison, quel est le prix de l'hypertélescope de Barossa que vous êtes en train de construire ? On ne sait pas encore, mais ce ne sera pas le même ordre de grandeur. Bon, si on fait des petits miroirs, dans la logique de miroirs petits et nombreux, nous pensons faire des miroirs grands comme ça. Bon, et des miroirs comme ça, ils sont plus minces. Ils sont plus minces que des miroirs d'un télescope de 42 mètres. Ils seront épais de 15 mm, disons. Donc il y aura beaucoup moins de verre. Bon, et le verre optique, ça coûte cher. Bon, et en plus, des miroirs grands comme ça, on peut très facilement les faire par moulage, par réplication optique, comme on fait les réseaux de diffraction, ce qui est une technique très économique, beaucoup plus économique que le polissage. Bon, et puis il n'y aura pas la monture géante qui doit pointer un miroir de 42 mètres sans se déformer, qui est une chose extrêmement lourde, délicate, très coûteuse, et puis il n'y aura pas la coupole géante. Donc ça peut être, je ne sais pas si c'est 10 ou 100 fois moins cher, mais ça peut être beaucoup moins cher. Par contre, une difficulté est qu'il y a très peu de sites en montagne qui aient la bonne topographie approchant très près d'une sphère pour installer les miroirs. Donc, avec Google Earth, on peut s'amuser à se balader dans les chaînes de montagne et essayer de trouver des vallées est-ouest ou des cratères de volcans, des choses comme ça. On a commencé à le faire dans l'Himalaya, dans les Andes, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Haut Atlas et aux Canaries. On a trouvé un certain nombre de sites, mais finalement, il y en a peu qui sont utilisables, suffisamment accessibles, etc. Alors évidemment, dans l'espace, on n'aura pas ce genre de problème. En particulier, les points de Lagrange sont... Enfin, le point de Lagrange L2 est un excellent site candidat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Et justement, où en est ce projet de Barossa ? Eh bien, nous attendons l'autorisation du gouvernement d'Aragon, qui tarde à répondre. Nous lui avons envoyé une description. Nous avons fait quelques essais préliminaires l'été dernier, dont je vais montrer des photos la prochaine fois, qui sont encourageants. Mais c'est une très belle vallée glaciaire et les Espagnols ont peur qu'on l'abîme. Ils ont raison. Nous sommes des gens dangereux. Mais enfin, il semble que ce genre de système peut être fait sans aucun béton, sans aucune structure permanente. Ça peut être fait de façon complètement démontable. Si on imagine que que dans 10 ou 20 ans, on fera mieux dans l'espace. À ce moment-là, on pourra complètement démonter ce qui est installé au sol sans laisser aucune trace, a priori. Donc, nous essayons de les convaincre. Mais s'ils n'autorisent pas, il y a quelques sites dans les Alpes du Sud qui sont un peu moins bons comme topographie, qui sont un peu plus hauts comme altitude, mais qui pourraient convenir aussi. Oui. Oui, vous avez parlé un petit peu de matière noire et d'énergie noire. Donc la matière noire, grosso modo, ça représenterait 70% de la masse de la galaxie. Oui. Et aujourd'hui, aucune observation n'est vraiment faite sur le centre des galaxies où on devrait trouver 90% de la matière de la masse de la galaxie. Oui. Pour justifier sa forme keplérienne, qu'elle soit ellipsoïdale, avec des bras barrés, pas barrés. Oui. Oui. Et on trouve que aujourd'hui, avec les observations qu'on fait, on ne trouve que des éventuels trous noirs à 10 puissance 6 fois la masse du Soleil. Oui. Pour arrêter, il faudrait trouver quelque chose comme 10 puissance 41 fois la masse du Soleil. Pourquoi il y a aussi peu d'études sur ces centres galactiques qui pourtant sont fondamentaux pour justifier leur forme? Et est-ce que vous pensez qu'avec du télescope les étudier plus complètement à la vue. Alors, il n'y a que l'infrarouge qui accède là, l'infrarouge ou la radio. Bon. Bon, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'efforts pour essayer de localiser cette matière noire, mais ce n'est pas facile de la voir. Non, moi, je parle du centre. Moi, c'est le centre. On se penche d'abord sur le centre, et après ça, on va voir. Alors, le centre, l'observation que j'ai montrée qui parle des mouvements des étoiles proches du centre, ça, c'est une très bonne mesure de la masse centrale. Bon, mais ça arrive au niveau de quelques millions de masses solaires. Bon. Donc vous êtes en désaccord avec les gens qui ont observé ça. C'est-à-dire que c'est un petit phénomène qui n'a pas beaucoup d'intérêt comparé aux 10 puissance 41 soleils que je vais trouver au centre. Oui, mais d'après eux, ce n'est pas 10 puissance 41, c'est 3 10 puissance 6. Oui, c'est très peu, c'est rien du tout. C'est une poussée. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut observer de plus que ce qu'ils ont fait ? Ben, je veux trouver le fait même qu'on tourne autour du centre galactique à 220 km/s. Oui. Si jamais vous utilisez les formules purement newtoniennes, vous vous apercevrez qu'effectivement, c'est 10 puissance 41 kilos. Donc 10 puissance 12. Donc vous confirmez qu'il existe un problème de masse manquante ? Il y a un masse manquant au centre et attractive, alors que la matière noire, théoriquement, elle serait répulsive. Non, l'énergie noire. L'énergie noire est répulsive et la matière noire l'est aussi. Puisqu'on constate que... Non, quand on parle de matière noire, on parle de matière attractive. Elle est attractive, mais attractive vers l'extérieur de la galaxie. C'est pour ça qu'elle n'est pas concentrée au centre. Et à un moment, on a même cru qu'elle était autour de la galaxie pour justifier... Le fait que les vitesses keplériennes des étoiles autour dans la galaxie ne respectaient pas les lois de Kepler. Bon. Elles tournent plus vite qu'elles devraient tourner. Oui. Quand elles sont très éloignées du centre. Bon, donc il y a un désaccord entre l'observation et la théorie, et tout le monde, c'est ce que dit tout le monde. Et seul remède, faire une meilleure théorie ou une meilleure observation. Est-ce qu'on pourrait trouver les 10 puissance 41 kilos du centre du soleil ? Donc 10 puissance 11 soleil qu'il faut trouver au cœur de notre galaxie ? Eh bien, si vous trouvez que les observateurs sont pas assez actifs, donnez-leur un coup de main. Pourquoi on se refuse à aller étudier. Mais on ne se refuse pas à aller étudier, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'observer. Mais cette observation du centre galactique qui donne une réponse assez propre, il y en aura peut-être d'autres observations par des méthodes différentes qui donneront des résultats différents, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est pas de leur faute si c'est en contradiction avec la théorie. Mais en général, ce genre de contradiction, c'est ça qui fait avancer. Hein. Ça stimule les gens pour réobserver par d'autres méthodes, etc. Et ça stimule les théoriciens pour se mettre en accord aussi. Y a-t-il d'autres questions, monsieur ? Pourquoi poussez-vous plutôt les hypertélescopes terrestres, je dirais, plutôt que les hypertélescopes qui me semblent a priori beaucoup plus simples ? Par certains côtés, ils sont beaucoup plus simples. Bon, alors, ce que nous avions proposé à la NASA, à l'ESA, c'était des systèmes avec des petits miroirs grands comme ça, portés par des petits satellites dont j'avais parlé, pilotés par petites voies solaires. Bon, c'était assez complexe comme système. Le gros problème, c'était le pilotage des engins avec une précision au moins un millimètre, si possible mieux. Bon, alors ça fait toujours peur aux agences spatiales. Hein. Ils ont repoussé sine die les projets d'interféromètres qui leur ont été soumis, parce que le problème du pilotage leur semble énorme. Ils ne savent pas encore faire. Pilotage relatif, de positionnement relatif de plusieurs télescopes pour faire une flottille. Bon, alors ils prévoient qu'à terme, oui, ils vont faire des flottilles dans l'espace, des flottilles pilotées pour ça et pour d'autres usages, mais ils ne sont pas encore prêts. Bon, alors... Là, j'ai publié il y a quelque temps là, une proposition avec des tout petits miroirs, grands comme ça, piégés par des faisceaux de laser. Je vais en parler une séance prochaine. J'en ai parlé un petit peu l'an dernier. Bon, alors, ça, si ça marche, il n'y a plus de problème de pilotage. Il n'y a plus de problème de pilotage parce que ça se piège tout seul. Alors, ça pourrait être une grosse simplification. Une équipe de physiciens Sophie Antipolis a entamé des manips en labo pour tester ça dans une cuve à vide. Et si ça confirme les calculs, ça pourrait peut-être accélérer beaucoup les choses et permettre d'installer un truc dans l'espace assez rapidement. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a proposé. Mais d'abord on teste en labo et après on pourra proposer là. Enfin, on a déjà proposé, mais on aura des arguments, disons, pour le faire dans l'espace. Oui ? Alors, celle de l'an dernier, oui. Celle-là, je vais essayer de le mettre le plus vite possible. Vous avez aussi quelques fichiers audio, il y en a eu un de l'an dernier, et là on va essayer de les faire à chaque fois. Bien, je vous remercie. À la prochaine. Oula, je suis en retard.